Non? À demain, vas-y, commence. Ok. Alors, il y a un policier qui attrape un noir qui est en excès de vitesse, quoi, et il lui dit de se mettre de ce côté sur la route. Alors, tu sais quoi? Là, je viens de t'arrêter et je te pose trois devinettes. Et si tu réponds trois devinettes, te mets pas de PV, je pars tranquillement, quoi. Donc, tu sais quoi? La première devinette, c'est qu'est-ce qui a un volant, qui a quatre roues et qui roule, quoi. Mais oh, monsieur le policier, ça c'est trop facile, ça. C'est la voiture. Non. Tu n'as pas précisé si c'était une Renault, Citroën ou Volkswagen. Attends, je te laisse une deuxième chance. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Un guidon qui a deux roues et qui fait beaucoup de bruit et qui va vite. Mais oh, monsieur le policier. Réfléchis. C'est trop facile aussi. Une moto. Non, t'as pas précisé si c'était Mitsubishi, c'est Yamaha ou c'est Zonsan. Ah, okay. Laisse-toi alors. Laisse. Attends, moi je vais te poser encore une question. Okay. Qu'est-ce qui porte une jupe, mm-hmm. Qui a aussi une ceinture, mm-hmm. Et qui se promène la nuit et qui arrive les voitures. Ah. Ça, c'est trop facile, ça. C'est quoi? Ça, c'est une pute, ça. Mais t'as pas précisé si c'était ta mère ou ta soeur ou ta grand-mère.